Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Henry Morton Stanley a la barbe qui pique et les yeux cernés. À même pas 30 ans, notre homme est le reporter vedette du grand journal américain The New York Herald. Le 18 octobre 1869, il a rendez-vous avec James Gordon Bennett, le directeur du journal. Les deux hommes sirotent. À ton avis ? Mais oui ! Un petit whisky ! Stanley, vous connaissez Livingstone ? Lui demande Bennett en faisant rouler les glaçons dans son verre. Le grand explorateur anglais ? Répond le journaliste. Le premier européen qui a traversé le continent africain d'est en ouest ? L'homme qui a découvert le fleuve Zambèze et les chutes Victoria ? Oui, celui-là même. Cela fait 2 ans qu'il a disparu. En 1866, il est parti chercher les sources du fleuve Nil et depuis, plus aucune nouvelle. Beaucoup pensent qu'il est mort, mais pas moi. Vous voyez où je veux en venir, mon petit Stanley. Je vous envoie en Afrique. Votre mission ? Retrouver la trace du plus grand explorateur de notre époque. Imaginez un peu le scoop si vous y arrivez. Le monde entier parlera de vous. La célébrité ? La gloire ! Oh oui, Stanley l'imagine très bien. Entre nous, il ne rêve que de ça. Il sourit. L'affaire est conclue. Oh, pétard ! Tu sais ce que ça veut dire ? Youpi ! C'est parti pour une nouvelle odyssée, direction l'Afrique de l'Est. Nous partons à la recherche du grand explorateur David Livingstone. Avant de nous lancer, je dois te prévenir. Stanley n'est pas ce qu'on pourrait appeler un chic type. Vantard, menteur, violent, il n'a aucune limite. Et comme beaucoup d'hommes blancs de son époque, il pense qu'il est fait pour dominer le monde. Oh, c'est vraiment le pire des aventuriers, mais... Punaise, on est coincés. Stanley est notre seule chance de retrouver Livingstone. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? On n'y va pas ? Allez, on y va ! Le 6 janvier 1871, Stanley arrive à Zanzibar, un ensemble d'îles magnifiques, tout à l'est de l'Afrique de l'Est. Pourquoi notre homme commence-t-il ses recherches dans ce coin ? Eh bien, c'est ici que vit le docteur John Kirk, un ami très proche de Livingstone. Si quelqu'un a des renseignements à me donner, c'est forcément lui. Bien vu, Stanley, bien vu. Les deux hommes se rencontrent dans un café, près du grand marché. Bien, je n'irai pas par 4 chemins. Comment ce Stanley ? Pensez-vous que Livingstone soit encore vivant ? Je l'espère. Répond le docteur Kirk. Je continue de lui envoyer de la nourriture et des vêtements dans le village de Bagamayo, car c'est un endroit où passent souvent les explorateurs. Mais entre nous, je doute fort qu'il soit toujours de notre monde. En rentrant à son hôtel, Stanley rumine. La barbe ! Tu parles d'une mission ! Un vieux squelette ! Voilà ce que je vais trouver ! Tout doux, Stanley ! Tout doux. Le docteur Kirk t'a donné un très bon indice. Bagamayo. Le village se trouve sur la côte africaine, juste en face de Zanzibar. Cela vaut peut-être le coup d'aller y jeter un œil, non ? Stanley fait ses bagages, il prend le bateau et hop ! Il traverse la mer. Arrivé à Bagamayo, mince, zut ! Aucune trace de l'explorateur. Assis sous un papayer, le reporter réfléchit. La dernière fois qu'on a entendu parler de cette vieille branche de Livingstone, il cherchait les sources du fleuve Nil. Il s'est forcément aventuré dans les terres. Vers l'intérieur, c'est par là qu'il faut chercher. Avec un peu de chance, je croiserai en chemin des gens qui l'ont rencontré. Un blanc perdu dans la jungle, ça ne doit pas passer inaperçu. D'indice en indice, j'arriverai jusqu'à lui. Enfin, s'il est encore vivant. Stanley s'apprête à traverser d'ouest en est le pays qu'on appelle aujourd'hui la Tanzanie. À l'époque, il n'existe pas encore de carte de la région. Oh, comment va-t-il faire pour retrouver son chemin ? Étrangement, Cela n'inquiète pas notre reporter qui ne doute pas un seul instant de la réussite de son projet. À nous deux, cœur de l'Afrique! Tu ne résisteras pas au grand Stanley! Oh non, c'est pas vrai! Est-ce qu'il est prétentieux? Mais pour qui se prend-il? Pour l'accompagner, Stanley, notre héros mégalo, réunit une troupe de 100 personnes. Parmi elles, 30 hommes seront armés et assureront la sécurité du groupe. Quant aux autres, ils porteront le matériel, ils seront guides ou cuisiniers. Parce qu'ils sont tous noirs ou arabes, Stanley pense qu'ils sont inférieurs à lui. Parce que lui est blanc, il les oblige à l'appeler « maître ». Il monte à cheval quand tous vont à pied. Complètement maboule, ce Stanley, je te l'ai dit. Le 21 mars 1871, la troupe prend la route. À la tête de cette immense colonne d'hommes qui le suivent, le reporter est aux anges. Je suis un roi! Non, mieux, un empereur! Mais il a trop bu ou quoi? Se moque Kigaru, l'un des guides. Ouais, bref, il était temps de partir. Dans quelques jours, ce sera la Mazika. La Mazika? Oh non! C'est le nom de la terrible mousson de printemps! Ce vent violent arrive de la mer en apportant une pluie torrentielle! Mais cela... Stanley l'ignore. Pendant plusieurs jours, ils suivent un sentier de terre qui les amène jusqu'à la vallée du Kingani. Au milieu de grandes montagnes blanches, coule une rivière transparente. Stanley donne l'ordre de s'arrêter. Tiens, j'irai bien chasser quelques antilopes. À peine a-t-il sorti son fusil, qu'il bondit de peur. Dans son oreille droite vient de résonner le grognement d'un hippopotame. Oui, bon, tu parles d'un aventurier. Remarque, oh oui, tant mieux pour les antilopes. Stanley et sa troupe poursuivent leur chemin. Ils vont de village en village en remontant vers le nord-ouest. Ils traversent le pays des Amaros, puis ils longent les grandes steppes où vivent les Maasai, un peuple de guerriers redoutables. Sur la route, ils aperçoivent des lions, des léopards, des zèbres et parfois des girafes. Enfin, le monde se remplit de silence. Ils sont arrivés aux portes du désert. Stanley sort sa boussole. Allez, ma vieille, lui dit-il en l'embrassant. Je compte sur toi. Montre-nous le chemin. Le soleil cogne, l'air est brûlant. Mais il y a pire. Ici vit une redoutable mouche qu'on appelle Tsetse. Elle peut tuer en une seule piqûre. Enfin, c'est ce que Stanley a entendu dire. Le pauvre est en panique. Il croit l'entendre voler un peu partout. Il court à droite et à gauche en faisant la moulinette avec ses bras. C'est un spectacle, disons... Oui... Surprenant. Lorsqu'ils sortent du désert, ils arrivent dans la jungle. Les arbres sont immenses et les herbes si hautes qu'il faut les couper à la machette. Au loin, ils entendent des éléphants et au-dessus de leur tête, des singes et des oiseaux tropicaux. Les feuilles, les lianes, les plantes. Tout est vert, d'un vert si intense que Stanley a l'impression d'avancer à l'intérieur d'une étrange émeraude. Avant la tombée de la nuit, il s'arrête pour planter les tentes. Stanley sent quelques gouttes d'eau lui mouiller le sommet du crâne. Tiens, mais pourquoi ça fait ploc-ploc ? Se demande-t-il. Malheureux, mais c'est la Masika, la terrible mousson de printemps ! Quelques secondes plus tard, ah ! Ça ne loupe pas ! La pluie tombe par gros paquets, l'eau frappe le sol en faisant trembler la terre ! Impossible de continuer à avancer ! Que faire ? Eh bien, pas grand-chose. Il faut attendre. Voilà tout. Arrive la nuit, puis le jour. L'expédition se transforme en cauchemar. Il pleut des cordes chaque jour, durant plusieurs heures. La troupe patauge dans la boue. Stanley, qui n'a pas l'habitude, n'arrête pas de glisser. La jungle est désormais si dense, si touffue, qu'on ne voit presque plus le soleil. L'air est irrespirable, le sol rempli d'insectes répugnants. Ah ! Satané pays ! Maudit Livingstone, je te retrouverai ! Mort ou vivant, j'aurai mon scoop ! Puis il se roule dans la boue, en pleurant et en suppliant le ciel. Mais où se cache ce maudit explorateur ? Seigneur, envoyez-moi un indice, ou même un tout petit signe ! Ma parole, mais c'est les montagnes russes de l'émotion ! Dis donc, mais il ne serait pas en train de dérailler sévère, notre reporter ? Quoi qu'il en soit, Stanley semble avoir été entendu. Le 12 avril, nos hommes atteignent le village de Moussoudi, au bord de la rivière Ougérangéré. C'est là qu'ils croisent Selim Ben Rachid, le fameux chasseur d'éléphants. Livingstone ? Oui, bien sûr que je l'ai vu. Il n'y a pas si longtemps. Cette vieille canaille se dirigeait tout à l'ouest vers le lac Tanganyika. Hourra ! Enfin une bonne nouvelle ! Bon, le lac Tanganyika, c'est encore loin, mais au moins on sait que Livingstone est vivant. Stanley et ses hommes se remettent en route. Le 30 avril, les pluies cessent. La Masika aura duré 39 jours. Hélas, d'autres épreuves attendent notre petite troupe. Les hommes sont épuisés. Beaucoup sont malades. Stanley les menace de son fusil. Il les force à continuer. Oh, le sale type ! Mai, juin, juillet, août, septembre. Les mois se succèdent et toujours aucune trace de l'explorateur. Je te trouverai, explorateur de malheur. Murmure le reporter entre ses dents. Dents qu'il n'a d'ailleurs pas lavées depuis, oula, très très longtemps. Il retrouve le désert, puis la jungle. Pour Stanley, c'est le pompon. La barbe ! Je n'en peux plus des fourmilières géantes, des insectes multicolores et des lianes qui pendouillent ! Où est-il, ce lac Tanganyika ? On devrait plus être très loin, pourtant en plus il paraît qu'il est immense ! Manquerait plus qu'on le loupe ! Nous sommes au début du mois de novembre. Stanley vient de planter sa tente près d'une rivière. Un groupe de voyageurs se présente à lui. Ils arrivent du village d'Ujiji sur les rives du fameux Tanganyika. Évidemment, le reporter s'empresse de leur poser des questions. Et il fait bien. Les informations qu'il obtient sont à ses oreilles, aussi douces que le miel. Depuis 3 semaines, un vieil homme blanc se repose au village. Il est malade et porte des vêtements. D'explorateur. Sapristi ! C'est lui ! C'est Livingstone ! S'écrie Stanley en sautant de joie. Le lendemain, ils partent avant le lever du soleil. En début d'après-midi, le reporter aperçoit une tache briller entre les arbres. Mais, oh, qu'est-ce que c'est ? Il s'approche, il cligne des yeux. Hourra ! Triple hourra ! C'est le lac Tanganyika, là-bas, dans le lointain, il pétille sous le soleil ! Vite, plus une seconde à perdre. Stanley met le turbo. Son cœur tambourine dans sa poitrine. Il a envie de crier, de se rouler par terre, de sauter d'arbre en arbre. Le village d'Ujiji n'est plus très loin, à quelques mètres. Ça y est. Stanley entre dans le village. Soudain, au milieu d'une foule de villageois, il le voit. Livingstone, le fameux explorateur. Alors, lentement, très lentement, il marche jusqu'à lui et lance cette phrase qui restera jamais célèbre. Docteur Livingstone, je présume ? Celui-là même. Lui répond l'explorateur en soulevant sa casquette. Livingstone a-t-il un jour retrouvé les fameuses sources du fleuve Nil ? Que s'est-il passé ensuite ? Les deux hommes ont-ils partagé un petit saucisson ? Tout cela, mais oui, tu le sais. Je te le raconterai dans une autre odyssée. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Le voyage qu'entreprend Stanley se déroule dans l'actuelle Tanzanie. C'est un pays absolument somptueux. On y trouve l'une des plus belles montagnes du monde, le Kilimandjaro. C'est le sommet le plus haut d'Afrique. Il culmine à 5895 mètres. Tu as envie de prolonger le voyage ? Bonne nouvelle ! Les Odyssées existent désormais en livre. Retrouve Calamity Jane, le monstre du Loch Ness, Marco Polo et bien d'autres fantastiques aventures dans un livre magnifiquement illustré. Une coédition France Inter.